Rax, merci Adrien Pinault et merci aux camarades de France Bleu Gironde pour le duplex. Alain Bécoulet, je rappelle qu'on peut vous lire L'énergie de fusion, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Laurence Malonda à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous nous demanderons comment au fil des siècles nos ancêtres et les scientifiques parmi eux ont compris et surtout comment ont-ils représenté le cosmos. Ce sont des histoires de sphères célestes que nous vous raconterons demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.